Le mot pour bon est bueno. Bueno. B-U-E-N-O. Bueno. Et pour dire très bon, hein, très se dit muy. Muy, qui s'écrit M-U-Y. Muy. Alors, c'est très bon se dit c'est... S. Es, hein, exactement. Es, c'est. Donc, c'est très bon. Es muy bueno. Bueno. Hein, bueno. Es muy bueno. D'accord. Es muy bueno. Es muy bueno. Ce n'est pas très bon. No. Es muy bueno. No es muy bueno. Et ce n'est pas très différent pour vous. No es muy. No es muy, oui, c'est ça. Différent. Diferente. No es muy diferente, en effet, pour vous. Para usted. Bien. No es muy diferente. Para usted. Et comment direz-vous mais c'est très important pour moi. Mais pero. Pero, très bien. C'est très important pour moi. Es muy importante para mí. Importante. Ah oui. Es muy importante. Pour moi. Para mí. Bien. Je dis importante parce que en espagnol, il y a toujours une syllabe très clairement accentuée sur laquelle on insiste à l'oral. J'expliquerai plus tard où placer cet accent. Mais pour l'instant, je me contenterai de vous dire que quand vous avez une voyelle à la fin d'un mot, c'est la 20e syllabe qu'on accentue, comme c'est le cas de beaucoup de mots que nous avons déjà vus. Para, pero, diferente, possible, bueno. Donc, important se dit impor. Importante. Importante, hein, c'est ça. On insiste sur l'avant-dernière syllabe. Ante, importante. Et restaurant se dira... Restaurante. Oui, vous avez bien insisté sur l'avant-dernière syllabe. Hein. Mais on dit restaurante. Hein, parce que en espagnol, toutes les lettres se prononcent. Donc, le A... U de restaurant, en espagnol, se prononce AU, hein, et non pas restaurante, comme vous avez dit. On doit dire restaurante, on doit tout entendre. Restaurante. Donc, on dit... Restaurante. Parfait.